pour que nature vive. Chaque année, plus d'une dizaine de millions d'hectares de forêts disparaissent. Un ours polaire ou un orque sont les animaux les plus pollués au monde. Chaque année, nos transports aériens augmentent. Ce qui fait notre bonheur, c'est les microbes. Aujourd'hui, vraiment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas agir. On aura compris l'écologie le jour où on verra que l'écologie ne nous impose pas que des changements qui nous briment. Pour que nature vive, le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Imaginez donc une personne en cuisine avec un couteau bien aiguisé. Cette personne découpe, mettons, je sais pas, une carotte par exemple. La lame est rapide, agile, elle remonte le légume, se rapproche dangereusement des doigts. La personne est distraite un instant, le couteau coupe, tchac, tchac, tchac. Aïe. Bon, si ça marche mieux avec l'image, mais néanmoins, si malgré tout vous avez eu un petit mouvement ou un petit pincement de douleur à cette évocation, c'est que vous avez fait indirectement preuve d'empathie, vous avez partagé la douleur à venir de cette personne qui a risqué d'y laisser un bout de doigt. On a souvent pensé que l'empathie était le propre de l'humain, que nenni, c'est même un trait fortement conservé par l'évolution. Empathie, ta souffrance est mienne, c'est le programme partageur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre exactement ce qu'est l'empathie, comment elle s'exprime tant chez les êtres humains que chez les autres animaux, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Belzung. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes neuroscientifique, professeure à l'Université de Tours, autrice de Neurobiologie des émotions, c'est aux éditions UPPR. Et Aurélien Miralles, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. Ben merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais avant de se plonger dans ce sentiment d'empathie, on commence par le tour de l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence cette semaine de Journal des Sciences avec une étude parue aujourd'hui dans The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avec l'observation la plus précise à ce jour de la cannibalisation d'une étoile par un trou noir supermassif. C'est un phénomène assez rare qui arrive à peu près tous les 10 000 ans dans une galaxie. Chaque galaxie possède en son cœur un trou noir supermassif. La plupart de ces trous noirs sont dormants, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur effet dans leur environnement. Mais une fois, tous les 10 000 ans, quand une étoile s'approche de trop près, elle est cannibalisée par le trou noir. Alors dans le cas de cette étude, cela s'est produit à 215 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Éridon, avec une étoile de la masse de notre Soleil. Ce n'est pas l'univers lointain, et comme c'est relativement proche, une équipe internationale a observé ce phénomène avec les télescopes de l'ESO sur une période de 6 mois. C'est la première fois que l'on observe si précisément la spaghettification d'une étoile par un trou noir. Stéphane Baza est chercheur au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Alors, spaghettification, c'est un phénomène qui est bien connu et qui avait été proposé par Jean-Pierre Luminet et Brandon Carter de l'Observatoire de Paris dans les années 80. Alors, quand l'étoile va s'approcher du trou noir, elle va s'allonger, prendre la forme d'une crêpe ou d'un cigare. Donc ça fait comme un long filament qui va tourner lentement. Pas lentement, avec des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, attention, qui va tomber dans le trou noir. Et donc, en tombant à ces vitesses-là, elle va s'échauffer et mettre dans des rayonnements qu'on observe, avec des rayons X, invisibles, dans l'infrarouge. Et quand ça va refroidir, on verra en radio. Alors, c'est pas la première fois qu'on en observe. On a commencé à observer vraiment à partir de 2004, mais c'est la première fois qu'on observe avec autant de détails. Donc, on a une observation très complète, autant d'un point de vue spectral, donc on peut observer du rayon X au visible, au proche infrarouge. Ils ont une durée aussi très longue. Et ce qui est aussi novateur dans cette observation, c'est qu'on observe le tout début du phénomène. Donc on voit la courbe de lumière, on voit la luminosité du trou noir qui augmente au cours du temps et puis qui décroît sur plusieurs mois, 5-6 mois à peu près. C'est vraiment là l'originalité du phénomène. Alors ce qu'on a bien vu, c'est l'étoile qui est en train de se faire cannibaliser. Alors pas entièrement. On voit qu'une partie, environ la moitié de sa masse, a été absorbée par le trou noir. Une autre partie est aussi éjectée, qui est partie à l'opposé du trou noir, qui va donc se disperser dans la galaxie. et donc il va rester à peu près la moitié de l'étoile, hein, qui va poursuivre sa vie, entre guillemets. Donc il va continuer à se consumer selon les cycles usuels de la vie d'une étoile. Voilà, si vous voulez savoir exactement à quoi ressemble la spaghettification d'une étoile, eh bien on vous a mis les liens vers les études, comme tous les jours, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, fil que vous pourrez retrouver sur notre site, franceculture.fr. Allez, on passe au bref. Selon le dernier rapport d'EPIPHAR, la structure d'expertise publique en pharmaco-épidémiologie des produits de santé et de sécurité sanitaire, le Covid-19 a modifié notre consommation de médicaments. Et cela fait plusieurs mois que l'on dit que l'épidémie perturbe toutes les activités de santé qui ne sont pas liées au Covid-19. Et cela se vérifie dans les chiffres. Cette étude menée de la mi-mars à la mi-septembre porte sur 3 milliards de prescriptions. La consommation de la plupart des médicaments délivrés sur ordonnance a chuté. Les médicaments pour les maladies chroniques, les traitements cardiovasculaires et antidiabétiques des nouveaux malades, mais aussi tous les produits prescrits pour passer des IRM, des scanners ou des coloscopies se sont effondrés. Ces retards sur le suivi des soins auront des conséquences sur l'ensemble de la filière cancérologie. On note également des retards dans la vaccination. Par ailleurs, pour le Xanax, le Lexomine ou le Valium, la consommation d'anxiolytiques a, elle, bien augmenté. SpaceX intensifie sa collaboration avec l'armée américaine. La semaine dernière, SpaceX s'engageait à construire 4 nouveaux satellites de détection de missiles. La compagnie d'Elon Musk vient de signer un nouveau contrat avec le Pentagone. Elle s'engage à créer une fusée à grande vitesse, capable de voyager à 12 000 km/h, tout en transportant 80 tonnes de matériel militaire. Avec cette nouvelle fusée, un voyage de la Floride à l'Afghanistan ne prendrait qu'une heure au lieu de 15. Les premiers tests sont prévus pour 2021. Et enfin, selon une étude parue dans PLOS ONE, des archéologues italiens ont retrouvé intacts des neurones humains vieux de 2000 ans. Il s'agit des vestiges d'Herculanum lors de la célèbre éruption de Vésuve de l'an 79. Sur les restes d'un jeune homme de 20 ans, les chercheurs ont analysé des fragments de la partie interne du crâne. Lors de l'éruption, avec une chaleur extrême proche des 500 degrés, suivie d'une brusque chute des températures, cela a provoqué la vitrification du tissu cérébral, ce qui a figé les structures cellulaires. Grâce à la microscopie électronique à balayage, les chercheurs ont obtenu des images des axones du cerveau. De quoi offrir des informations uniques sur la structure de l'ancien système nerveux central. Merci Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Qu'est-ce qui caractérise donc notre espèce humaine? Serait-ce sa capacité à se mettre à la place de l'autre, à venir en aide à son prochain, à ressentir les émotions d'autrui et à agir en conséquence? Bref, l'empathie serait-elle un trait distinctif de notre condition? Eh bien, pas du tout. L'empathie serait même un trait assez généralement répandu dans le règne animal à divers degrés, allant du plus simple de la contagion émotionnelle, quand un individu d'un groupe d'animaux perçoit un danger et s'enfuit et qu'il est immédiatement suivi par les autres, jusqu'à l'entraide lorsqu'un individu vient gratuitement en aide à un autre qui se trouve dans une situation périlleuse. Néanmoins, la définition exacte de ce qu'est l'empathie est sujette à controverse depuis longtemps, comme en témoigne notre archive du jour, extrait du magazine des sciences en novembre 1967. Il conviendrait peut-être avant de redéfinir l'empathie. Définition vulgaire, c'est entrer dans la peau d'autrui. Définition plus scientifique, c'est une manifestation de participation visant à la compréhension du moi d'autrui en tant qu'autrui et à la prévision de ses potentialités. Est-ce qu'il n'y a pas différentes sortes d'empathie ? Bien sûr. Nous avons distingué tout au long des travaux que nous avons menés, mon équipe de recherche et moi-même, deux types d'empathie bien distinctes. En premier lieu, il s'agit de l'auto-empathie, c'est-à-dire de l'empathie qui revient sur le moi. C'est en somme le dialogue du moi avec le toi. Si vous voulez encore, plus précisément, de l'ego avec l'alter. L'alter étant celui avec qui l'on s'entretient, et l'alius étant celui à propos duquel on s'entretient. Par conséquent, la notion d'auto-empathie est une empathie recentrée sur le moi et rémunératrice pour le moi, en fin de compte. Tandis que l'allo-empathie ne concerne, lui, que le dialogue des tiers, le dialogue des alius, des allies, des autres. Des autres, vus par le moi, bien évidemment. Bien sûr. Voilà, cette tentative de définition des diverses formes d'empathie en 1967. Catherine Belzung, une réaction à cette archive ? Oui, effectivement, c'est-à-dire que on continue aujourd'hui de considérer qu'il y a différentes formes d'empathie ou différentes composantes dans l'empathie. Donc en fait, on garde l'idée que ça ne correspond pas à une construction unitaire, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, souvent on considère qu'il y a peut-être trois niveaux dans l'empathie. Un premier niveau qui serait un niveau qu'on appelle parfois la contagion émotionnelle ou bien l'imitation, la synchronisation motrice. C'est par exemple ce qui se produit quand quelqu'un commence à avoir un fou rire dans un groupe, d'autres personnes autour, sans même connaître la raison de ce fou rire, peuvent se mettre elles également à rire. Donc dans ce cas-là, c'est comme une espèce de synchronisation du mouvement. Mmh. Sans qu'il y ait réellement un partage émotionnel. Ensuite, il y aurait un deuxième niveau, effectivement, qui serait une version plus affective, c'est-à-dire la capacité à partager les émotions d'autrui, à être atteint affectivement par ce qui atteint autrui. Et par exemple, on voit quelqu'un qui souffre, on sent comme une espèce de souffrance en nous-mêmes. On voit quelqu'un de triste, on se sent triste, donc c'est vraiment un partage émotionnel. Et puis ensuite, il y a effectivement un troisième niveau qui est la capacité à prendre la perspective de l'autre, à se mettre dans la peau de l'autre. Donc actuellement, on considère que l'empathie, ça correspond un petit peu à ces différents phénomènes qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et qui aussi ont une tendance évolutive parce que les formes les plus anciennes, comme la contagion, se retrouveraient dans des espèces peut-être plus éloignées sur le plan évolutif, alors que la capacité à prendre la perspective de l'autre est évidemment quelque chose qui nécessite un certain nombre d'aptitudes cognitives qui, elles, sont apparues que plus récemment. Aurélie Mireles, peut-être une réaction à ce qui était dit dans l'archive. On va revenir sur ces différentes phases de l'empathie et ce à quoi elles correspondent tant chez les autres animaux que chez les grands animaux que nous sommes, nous, espèce humaine. Mais sur cette, par exemple, distinction entre l'auto-empathie et l'allo-empathie, ça fait encore sens pour vous ? Franchement, je ne me reconnais pas vraiment dans ce qui a été dit dans cet extrait qui date des années 60, parce que je pense que notre connaissance de l'empathie a beaucoup évolué, et je rejoins beaucoup plus ce qui vient d'être expliqué par Madame Belzung, c'est bien c'est ça. Où effectivement, sans qu'il y ait un vrai consensus sur les différents types d'empathie, on retrouve quand même ces grandes classes d'empathie qui effectivement correspondent plus ou moins, en tout cas dans le règne animal, au niveau de développement cognitif. Et des animaux qui ont des capacités cognitives assez sommaires, et ben, ça va être plutôt de l'ordre du réflexe, la fameuse contagion affective ou émotionnelle. Et puis après, quand on a un système cognitif très élaboré comme celui de l'être humain, où on peut commencer à réfléchir, à se poser des questions intellectuelles, morales, etc., ça peut prendre une toute autre dimension. Oui. Depuis quand est-ce qu'on a élargi le concept d'empathie à d'autres espèces animales ? Depuis quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'espèce humaine, ou allez, mettons, les grands singes également, qui pouvaient faire preuve d'empathie ? Vous avez une notion de ça, Aurélie Mireles ? Je ne pourrais pas faire un rappel historique de partir de quand ça a émergé, mais je pense que assez rapidement, dans le domaine des biologies, à partir du moment où ça intéressait au comportement, notamment au comportement de soins parentaux ou au comportement des espèces qui ont des comportements prosociaux, c'est-à-dire qui vivent en groupe avec des comportements, on va dire, bénéfiques mutuellement, on s'est intéressé, même si on n'a pas posé ce mot-là, à des questions de l'ordre de l'empathie. Catherine Belzung, à ce propos ? Oui, effectivement, je pense que en biologie, dès qu'on observe qu'un phénomène a été décrit chez l'espèce humaine, on se pose la question de son origine évolutive. C'est-à-dire, on se dit toujours que si l'empathie existe chez l'humain, c'est qu'elle doit avoir une fonction, et si elle a une fonction adaptative, forcément, on doit la trouver dans d'autres espèces. Peut-être que plus récemment, effectivement, on s'est interrogé sur l'existence dans d'autres espèces de ces différentes composantes de l'empathie. Moi, par exemple, j'ai présent à l'esprit une étude qui est parue dans Science en 2006, donc il y a presque 15 ans maintenant, où ils ont remarqué effectivement qu'il y a chez la souris cette capacité à souffrir quand elle voit un congénère souffrir. Donc là, ça se référait directement à cette empathie affective qu'on trouvait donc chez des mammifères. En réalité, si on regarde dans l'arbre évolutif, ces animaux sont encore relativement proches de nous. Mmh. Ce qui a été observé depuis peut-être beaucoup plus longtemps, c'est des comportements d'entraide. Mais après, quand on voit un comportement d'entraide, ça ne signifie pas forcément que celui qui coopère avec un autre congénère ressent l'état émotionnel de l'autre. Mmh. On va avancer un peu justement dans cette tentative de définition, parce qu'on voit bien que l'empathie, c'est à la fois quelque chose qu'on comprend tous instinctivement, mais qui est en même temps relativement difficile à préciser, à spécifier, à attribuer à un certain type de comportement animaux, d'ailleurs en fonction effectivement de la distance entre, ou en tout cas de la complexité des rapports sociaux de ces différents animaux. Voilà, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, on va essayer d'en faire le tour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, donc nous parlons d'empathie aujourd'hui, tant dans l'espèce humaine que, eh bien, vous allez le voir, dans diverses populations d'animaux, autant pourquoi pas chez les poissons que chez les grands singes. Nous en parlons avec Catherine Belzung et Aurélien Miralles. Alors peut-être déjà, est-ce que Catherine Belzung, vous essayez de définir tout à l'heure en différents composants ou en différentes composantes sur lesquelles on pourra revenir d'ailleurs l'empathie, mais Aurélien Miralles, quelle serait votre définition à vous de l'empathie? Comment est-ce que vous préciseriez exactement ce qu'on entend aujourd'hui par empathie ? Alors, je serais bien embêté pour donner une définition exacte de l'empathie, parce qu'effectivement, on peut la dissocier en différents types d'empathie. Moi, je suis pas neuropsychologue, donc j'ai pas, comment dire, on va dire que j'utilise les notions, les définitions telles qu'elles sont fournies par les spécialistes du fonctionnement du cerveau et de la psychologie. Et juste pour vous donner un exemple, dans une étude sur laquelle j'ai travaillé récemment, au début, on voulait tester nos perceptions empathiques à l'égard de différents êtres vivants. Et très rapidement, on s'est retrouvé confronté à la difficulté de définir le mot empathie. On pouvait pas, en gros, poser des questions aux gens sur quel est votre niveau d'empathie ou quelle empathie ressentiez-vous à l'égard de telle ou telle espèce. Donc, plutôt, on a discriminé deux formes d'empathie qui sont reconnues par les neuroscientifiques, à savoir d'un côté l'empathie cognitive et de l'autre côté quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie mais qui n'est pas de l'empathie, qui est la compassion. Mmh. Et c'est deux choses qui sont très différentes. Par exemple, donc ces deux états mentaux que je me suis proposé d'étudier, il y en a un pour capturer en gros la préférence empathique des personnes à qui on posait des questions. C'était, si vous avez deux photos d'animaux, on tire des photos d'animaux au hasard, on leur dit, parmi ces deux animaux, pour lequel pensez-vous être le plus en mesure de comprendre les émotions ou les sentiments de... Alors par exemple, ça peut être un écureuil et une tortue. Donc ça, c'est plutôt de l'empathie au sens strict. C'est de l'empathie cognitive. Voilà, c'est l'impression qu'on a de pouvoir comprendre, à tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'on peut, on peut avoir aussi des fausses impressions. Et puis il y a la compassion, qui n'est pas de l'empathie, mais qui est quelque chose qui en découle, qui est le sentiment d'inconfort provoqué par la détresse ou la souffrance d'autrui, associé à la volonté d'y remédier. Et si on n'a pas d'empathie, on n'a pas de compassion. Mais la compassion et l'empathie, c'est deux choses distinctes. C'est intéressant, effectivement, quand on est face à ces concepts qui sont difficiles à définir précisément, Catherine Belzung, on peut essayer de les définir en les comparant à d'autres concepts similaires et en voyant en quoi ils en diffèrent. On a Aurélien Miralles vient de parler de compassion, on pourrait parler d'altruisme, voire de sympathie. Comment est-ce qu'on peut définir l'empathie par rapport à ces autres notions que sont, par exemple, l'altruisme, la compassion ou la sympathie? Je pense que en ce qui concerne cette question, en fait, il y a deux auteurs, Deval et Preston, qui ont donné en 2017 une définition de ces deux notions, puisqu'ils disaient que l'empathie se réfère à la fois au partage d'émotions entre individus et à la capacité d'adopter le point de vue d'un autre. Ça, c'était pour l'empathie. Et l'altruisme, ils l'ont défini comme un acte qui bénéficie à un autre individu, à un coût pour le sujet. Donc, dans l'altruisme, il y a vraiment la notion d'action pour autrui qu'on ne trouve pas dans l'empathie. Mmh. Puisque dans l'empathie, on ne fait que comprendre l'autre, partager ses émotions, mais ça ne se traduit pas forcément en un comportement d'entraide pour autrui. On peut très bien observer quelqu'un qui a mal et, je ne sais pas, peut-être même rigoler cyniquement. Enfin, l'altruisme rajoute vraiment la notion d'agir pour l'autre qui souffre. On aurait donc une version plus passive et une version plus agissante. Comment est-ce qu'on distinguerait l'empathie de la sympathie, par exemple, Catherine Belzung? Puisque en plus, c'est deux mots qui sont construits à peu près de la même façon. Qu'est-ce qu'on ajoute ou qu'est-ce qu'on enlève à l'un et à l'autre pour passer de l'un à l'autre? Alors c'est un peu difficile de répondre parce que je pense que la notion de sympathie, c'est une notion qui est peut-être plus développée dans le champ de la philosophie. Dans le champ de la neurobiologie, on utilise vraiment ces notions d'empathie, altruisme. On utilise aussi coopération, mais là aussi, il s'agit d'action. Le concept de sympathie, on l'emploie très peu. Peut-être un mot sur ces différents, en tout cas sur la différence entre... est-ce qu'on peut parler d'altruisme, par exemple, dans le règne animal, Aurélien Mireles? Alors l'altruisme... Le règne animal est entendu à l'exclusion de l'espèce humaine qui fait partie du règne animal, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus à chaque fois. Oui, l'altruisme, ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans toutes les espèces prosociales. Alors, tout à l'heure, Madame Belzung disait que il y a un certain coût pour celui qui pratique l'altruisme, c'est-à-dire si moi je partage de la nourriture avec un autre, c'est un coût qui m'affecte moi en tant qu'individu. Mais d'un point de vue de la stratégie évolutive, pour mon espèce qui est une espèce prosociale, si moi je donne un petit peu à un autre individu, peut-être que plus tard un autre individu me rendra en retour, ou à mes enfants, ou etc. Donc il faut pas voir ça dans le champ moral, comme une qualité morale, c'est surtout une stratégie évolutive qui a fait ses preuves chez les espèces prosociales. Alors on parle des espèces prosociales, mais par exemple, est-ce qu'on peut considérer, alors c'est toujours très difficile, et il faut évidemment prendre les précautions épistémique nécessaire pour ne pas faire d'anthropomorphisme démesuré quand on manipule ces notions que peuvent être l'empathie ou l'altruisme. Mais par exemple, quelle est la limite inférieure? Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'empathie ou d'altruisme chez les insectes eusociaux, Aurélien Mireles? Tout à l'heure, vous avez commencé l'émission en posant la question, est-ce que l'empathie serait le propre de l'homme? Et souvent, on aime bien présenter ces questions-là, est-ce que l'art est le propre de l'homme, etc. Je pense qu'il n'y a rien qui est le propre de l'homme, puisqu'on est le fruit de l'évolution biologique, et quoi qu'on aille rechercher comme caractéristique supposément propre à l'homme dans le vivant, on en retrouve des ébauches, ou en tout cas des choses qui sont analogues. Alors, chez les fourmis ou chez les abeilles, il y a effectivement des comportements, on peut dire, d'une certaine façon altruiste. L'abeille qui va piquer pour défendre la ruche, si elle laisse son dard, comme c'est le plus souvent, elle va mourir. Donc, c'est même un sacrifice altruiste à part entière. Catherine Belzung, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est une question là de définition. C'est-à-dire, dans la nature, dans d'autres espèces, on trouve des tonnes de notions qu'on pourrait assimiler au sacrifice de soi pour la survie du groupe. Évidemment, dans ces autres espèces, on suppose qu'il y a deux choses qui manqueraient quand on compare à l'espèce humaine, c'est-à-dire que ce sacrifice de soi n'est pas intentionnel, c'est-à-dire que l'animal n'a pas l'intention de mourir pour les autres, enfin... Et puis, il n'en a probablement pas conscience. Donc, ça, ce sont des notions qui arrivent beaucoup plus tardivement dans l'évolution, à mon avis. La capacité à décider, oui ou non, d'avoir un acte altruiste, et puis la capacité à en avoir conscience. On évoque souvent, dans un certain nombre d'espèces relativement évoluées, mais qui ne sont pas d'ailleurs que des mammifères, hein, parce qu'on en parle pour les grands singes ou pour les primates, mais je sais qu'il en a été question pour d'autres espèces, comme par exemple les corvidés, peut-être même d'ailleurs certains céphalopodes. On parle de théorie de l'esprit, Catherine Belzung. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit, et quelle est la distinction qu'on peut faire entre la théorie de l'esprit appliquée à un animal en particulier, et la capacité à développer de l'empathie? Oui, effectivement, la théorie de l'esprit, c'est la capacité. Alors, le terme est un petit peu étrange, mais en gros, ça se réfère vraiment à la capacité à comprendre les états mentaux d'autrui. Alors, ces états mentaux ne concernent pas que la souffrance. Hein, ça peut concerner les connaissances qu'a autrui d'une situation. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, enfin, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est si vous décidez de mentir à quelqu'un, ben, si vous décidez de mentir, c'est parce que vous supposez que l'autre n'a pas l'information qui lui permettrait de rétablir la vérité. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'empathie. C'est quelque chose qui concerne la compréhension des états mentaux, des intentions d'autrui. Aurélien Miralles, la théorie de l'esprit, c'est un présupposé à l'empathie ou est-ce que c'est vraiment deux choses distinctes selon vous ? Alors là, je pourrais pas trop vous dire. J'ai pas trop d'avis sur le sujet. C'est effectivement un concept qu'on rattache à l'empathie, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. On parlait des insectes tout à l'heure. Quand on parle, par exemple, de ce que vous avez appelé tout à l'heure, Catherine Belzung, la contagion émotionnelle ou la contagion émotionnelle simple, quand on parle, par exemple, d'un banc de poissons, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un individu ressente un stimulus de peur ou de stress pour ne pas faire d'anthropomorphisme pour que l'intégralité du banc de poissons s'éloigne. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut déjà dire que cette contagion émotionnelle simple, qui est vraie pour un banc de poissons mais qu'on peut trouver pour par exemple un groupe de bisons ou de chevaux, c'est le premier signe d'une forme d'empathie ou est-ce qu'on est quand même à un degré en dessous ? Oui, alors personnellement je dirais que c'est un degré en dessous, enfin évidemment, puisque il n'y a pas ici le partage des émotions, c'est-à-dire c'est pas parce que comment dire que enfin les exemples qui me viennent effectivement c'est je sais pas des bébés pleurent, l'autre bébé se met à pleurer ou bien effectivement le poisson dans un banc de poissons qui s'enfuit, les autres poissons fuient, mais c'est une synchronisation de l'action qui ne nécessite pas forcément de partager l'état émotionnel de l'animal qui a été l'initiateur de la chose. Mmh. Mais par contre, je pense que cette synchronisation corporelle est comme la brique élémentaire sur laquelle s'inscrivent les autres formes d'empathie. Mmh. Par exemple, Franz De Waal, dans un article, dans un livre qui est paru au Cambridge University Press, propose un schéma qui ressemble un petit peu à celui de poupée russe. C'est-à-dire, la plus petite poupée, c'est en quelque sorte la synchronisation corporelle, et c'est sur elle que s'ancre le partage affectif, et sur ce partage affectif, à nouveau, s'ancre la capacité de compréhension cognitive de l'état d'autrui. Mmh. Donc je pense que c'est nécessaire en même temps. Mmh. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce seraient des éléments qui s'emboîtent ou qui se complexifient au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, Catherine Belzung, justement, quand on essaie de disséquer un peu d'une autre façon ce que peut être l'empathie, au sens, là, pour le coup, le plus complet, hein, c'est-à-dire l'empathie comportementale, il y a des travaux qui sont assez récents, de 2006, notamment de la neuroscientifique allemande Tanya Singer, qui propose qu'il faut remplir quatre conditions pour évoquer la réalité d'un comportement empathique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Les travaux de Tanya Singer sur les différents niveaux d'empathie, vous... C'est ça. C'est-à-dire sur les différentes conditions, la condition d'affectivité, de similitude personnelle, etc. Oui, effectivement, elle distingue en fait plusieurs niveaux. En fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a la question de comportements prosociaux. Il y a effectivement le niveau émotionnel, le niveau cognitif. C'est effectivement une approche en fait hein, qui existe dans ce domaine. D'accord. Et si on se réfère un peu ensuite, alors si à défaut d'essayer de le définir via une approche comportementaliste, si on se réfère à la sphère stricto sensu neurologique, On imagine que l'empathie, c'est extrêmement distribué dans le cerveau. Comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on sait, Catherine Belzung, identifier précisément les mécaniques cérébrales qui sont à l'œuvre au moment où eh bien, une personne a un comportement, une pensée, des émotions empathiques? Oui, alors effectivement, c'est pour ça que c'est très important d'avoir d'abord, dans cette conversation, identifié un petit peu les différentes formes d'empathie, parce que ces différentes formes, ces différents niveaux d'empathie ne se traduisent pas par les mêmes activités cérébrales. Si on prend le niveau le plus simple, le niveau de la synchronisation motrice, il engage principalement en fait trois régions cérébrales qui sont d'abord le cortex prémoteur, donc c'est là que se s'initie hein, une action. Ensuite, il y a le lobe temporal inférieur et puis la jonction temporoparietale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces trois régions, on trouve les fameux neurones miroirs. Alors, c'est intéressant ça. C'est quoi ces neurones miroirs justement ? Voilà. Alors ça, ce sont des neurones qui ont été d'abord examinés par, enfin trouvés, identifiés par une équipe italienne autour de Giacomo Rizzolatti, qui a montré que certains neurones qui se trouvent donc dans ces trois régions que je viens de décrire sont activés à la fois quand on réalise une action et quand on voit une autre personne réaliser cette même action. C'est-à-dire, si par exemple vous mettiez des électrodes dans mon gyrus, dans mon lobe frontal inférieur, dans l'endroit où se trouvent ces neurones moteurs, on verrait que si par exemple je suis en train de faire le geste pour prendre un verre d'eau, il y a une population bien précise de neurones qui vont s'activer. Mais si je suis autour d'une table avec vous, Nicolas Martin, et que vous êtes en train de faire le même geste pour prendre un verre d'eau, ce seront les mêmes neurones qui s'activeront chez moi. C'est-à-dire, les neurones qui seront activés dans mon cerveau sont activés à la fois par mon propre geste de prendre un verre d'eau et par l'observation de vous qui êtes en train de prendre un verre d'eau. Mmh. Donc, on se dit, puisque c'est les mêmes neurones qui sont actifs quand je fais moi-même le geste, et quand j'observe quelqu'un d'autre qui est en train de faire ce geste, on se dit que ces neurones permettent de comprendre les gestes d'autrui. Mmh. Bon. Oui, allez-y, je vous en prie, pardon. En réalité, ça voudrait dire que quand je vous observe en train de faire ce même geste, j'active comme le substrat neuronal de l'exécution de ce geste chez moi, et c'est ça qui me permet de me dire, eh ben, il est en train de prendre un verre d'eau. Et ces neurones miroirs, ce qui est fascinant, c'est que ils s'activent même, c'est-à-dire, ils s'activent à la fois par l'observation du geste chez autrui, mais il peut s'activer aussi à l'observation de signaux de l'intention même de faire ce geste. C'est-à-dire, si tout à coup, je ne sais pas, vous donniez des signaux comme quoi vous avez soif, ou bien vous regardez votre verre vide avec une certaine insistance, ou des choses comme ça, ça activerait encore ces mêmes populations de cellules. Donc, c'est vraiment des populations de cellules qui permettent de se projeter dans l'autre. Mmh. Et ce sont ces neurones miroirs qui sont également sollicités. On verra tout à l'heure quels sont les types d'expériences que l'on peut réaliser tant sur l'être humain que sur les animaux pour comprendre et pour voir justement quelles sont les zones des différentes zones cérébrales qui sont activées. Mais en tout cas, on sait que ce sont ces neurones miroirs qui ne composent pas l'intégralité du gyrus frontal inférieur, hein, mais qui en composent un peu moins de 20%, je crois, qui sont sollicités par les réactions empathiques, Catherine Belzung. Oui, effectivement, ce sont des neurones très spécifiques, hein, c'est-à-dire dans ces régions du cerveau, évidemment, on ne trouve pas que ces neurones-là. Et ces neurones ont été d'abord en fait identifiés chez des primates, donc dans certaines régions cérébrales, qui sont celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, enfin la région F4, F5, enfin bon, ce sont des régions très très précises du cortex frontal du primate. Et par la suite, évidemment, chez l'humain, comme là, les expériences requièrent de placer des électrodes pour enregistrer l'activité neuronale, évidemment, ce type d'expérience n'a pas pu être réalisé chez l'être humain, puisqu'on ne va pas avoir des pratiques aussi invasives que d'implanter des électrodes d'enregistrement. Mais ce qui a été observé dans l'humain, chez l'humain, avec des techniques d'imagerie, de neuroimagerie fonctionnelle, c'est effectivement que dans les zones où se trouvent ces neurones miroirs chez le primate, il y a chez l'humain une activité lorsque l'on est en train soit d'exécuter, soit d'observer un mouvement. Aurélien Miralès, une réaction peut-être ou un propos à propos de ces neurones miroirs, de leur importance ou chez l'humain ou chez... Non, c'est pas du tout mon... C'est pas du tout, ok. Eh ben, on va revenir à votre spécialité, à votre sujet, à la comparaison entre l'empathie chez l'humain et chez les animaux pour voir notamment comment est-ce qu'on peut étudier ces mécaniques d'empathie. Et puis, on va essayer de comprendre également d'où il vient, comment ils ont pu apparaître, quelle est finalement la fonction de ces pensées ou de ces mécanismes d'empathie. On en parle dans quelques minutes. Angels say goodbye. Good girls with them tonight. Get deep behind me. That body finds me. Woo! Resist the temptation, you took me to the mountain. But I stood my ground and someone came up calling. Empathy for the devil. Excuse me. The Devil de Tim Burgess à 16h37 sur France Culture, puisque c'est ce dont il est question, de l'empathie et non pas du diable. Nous en parlons autant chez l'espèce humaine que dans le reste du règne animal. Quel est donc ce drôle de sentiment qui nous fait souffrir ou rire à la place de l'autre ou avec l'autre? Nous en parlons avec Catherine Belzung, qui est neuroscientifique, professeure à l'université de Tours, et avec Aurélien Miralès, qui est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, on le disait dans la première partie, l'empathie est bien loin d'être le propre de l'humain. Si on pense évidemment aux primates ou à plusieurs animaux dits prosociaux, comme le disait, l'évoquait Aurélien Miralès tout à l'heure, mais elle se retrouve également d'une autre façon, également chez certains oiseaux. Et c'est pourquoi vous êtes rendu au laboratoire Éthologie, Cognition, Développement de l'Université de Nanterre. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, car les vocalisations des oiseaux véhiculent leurs états émotionnels. Sébastien de Royancourt est directeur du laboratoire. Avec ses collègues, ils étudient la contagion émotionnelle, phénomène qui est considéré comme un premier niveau d'empathie. Il m'a emmené dans les volières de son animalerie, où habitent des communautés de perruches et diamants mandarins. Expérimentalement, ils placent temporairement un individu en situation de détresse et ils enregistrent les cris de réponse émis par les congénères. De cette manière, ils ont pu évaluer le niveau de stress chez les partenaires par analyse hormonale et ils ont pu conclure l'importance de cette forme d'empathie en fonction du degré de parenté des individus. Ici au laboratoire, on a réalisé une expérience sur les perruches calopsites. C'était une expérience qui a été réalisée par Agatha Liévin-Bazin et Dalila Beauvais, qui consistait à enregistrer des cris d'alarme des perruches calopsites et de les diffuser à des congénères, donc à des individus isolés, et on a étudié la réaction comportementale de ces animaux. Et on a vu que à l'émission de ces cris de détresse, eh bien, les oiseaux avaient une réponse, étaient beaucoup plus stressés, se déplaçaient beaucoup plus dans leur cage. En particulier quand on leur diffusait le cri d'alarme d'un congénère familier par rapport à un congénère non familier. Donc là, on va se rendre dans l'animalerie du laboratoire qui est juste à quelques mètres d'ici, où on va retrouver donc nos trois espèces d'oiseaux qui sont élevés dans des volières. Ce sont des oiseaux qui sont tous nés en captivité. Là, on entend déjà les oiseaux. Là, ce que vous entendez ici, ce sont des diamants mandarins. Et donc, je vais vous montrer un peu les trois espèces d'oiseaux sur lesquelles on travaille. Donc là, ici, Anaëlle, qui est donc une animalière qui travaille au laboratoire. Et donc, voilà, ici, une colonie de diamants mandarins où on voit à la fois des mâles et des femelles. Les mâles sont ceux qui ont les joues oranges et le bec rouge. Les femelles sont celles qui ont le plumage gris, le bec orange. Ouais. Juste pour préciser, c'est pas une petite cage, là, c'est exclusivement une pièce dans laquelle les individus sont placés. Là, il y en a une bonne dizaine. Là. Oui, c'est ça, plus, c'est là. Ça, une bonne dizaine dans une volière. Concrètement, comment vous étudiez les signaux de détresse que peuvent... Alors, il faut, en l'occurrence, je peux vous montrer les perruches calopsites qui sont juste à côté. C'est sur ces oiseaux que cette expérience a été réalisée. Ils sont plus silencieux, ça. Voilà. Les diamants mandarins sont plus... sont tout le temps en train de produire des cris, de communiquer. Les calopsites sont un peu moins vocales, mais comme vous l'entendez, elles nous saluent quand même, parce qu'on vient d'arriver. Elles sont belles, hein? Oui, elles sont très jolies. C'est des oiseaux qui sont à l'origine. Des crêtes jaunes et des joues rouges. Voilà. Et donc, en l'occurrence, il arrive parfois qu'on soit obligé de les attraper pour les soigner. Et lorsqu'on les attrape, en général, elles produisent ce cri de détresse, qui est justement ce cri que nous avons enregistré, et que nous avons ensuite pu diffuser dans une expérience où on a testé les oiseaux dans une cage. Alors, les oiseaux étaient isolés, donc c'est sûr une situation un peu stressante. Mais on a diffusé donc différents stimuli, en l'occurrence ces cris de détresse qu'on avait enregistrés. Et on diffuse le cri de détresse d'un individu familier, de son groupe social, que vous voyez ici. On peut aussi diffuser le cri d'un individu non familier. Non familier, c'est non partenaire. Alors ça peut être un individu qui vit dans une autre colonie, dans un autre laboratoire, et puis aussi ça peut être un individu avec lequel on a moins d'affinité, parce que ces oiseaux que vous voyez ici, on les connaît bien, et ils et elles ont toutes et tous un nom, et certains ont des affinités familiales parce qu'ils peuvent être par exemple frères et sœurs ou mère et enfant, et puis certains ont moins d'accroche, moins d'affinité. Il y a toujours dans un groupe des gens qu'on apprécie, des gens qu'on apprécie un peu moins. Donc il y a plus d'empathie, entre guillemets, envers les individus, Les individus qui sont familiers. Plus proches. Par exemple, là, on vient de passer dans la volière du diamant mandarin. Il y a une expérience qui a été réalisée il y a quelques années par des collègues de Saint-Étienne qui ont diffusé le cri d'alarme, enfin le cri de contact d'un mâle stressé à sa femelle, à sa partenaire sexuelle. Et ils ont observé dans ces cas-là que la femelle présente des taux de corticoïdes, c'est-à-dire de l'hormone du stress, la corticostérone, plus élevés quand on diffuse le cri de son partenaire stressé que lorsqu'on diffuse le cri d'un partenaire, d'un autre individu qui n'est pas son partenaire stressé. Donc on voit l'importance de la familiarité aussi sur cette réponse comportementale liée aux émotions. Est-ce qu'il y a vraiment des signaux caractéristiques en fréquence, en ton, en note? Oui, alors il y a certains cris, donc je vous parle de cris de détresse, de cris d'alarme, mais par exemple le cri de contact du diamant mandarin, il peut être utilisé dans différents contextes, quand on perd le contact visuel par exemple avec un partenaire, mais aussi parfois quand on se sent tout seul, qu'on est isolé. Donc il y a différents moyens en quelque sorte de moduler ce cri, et donc on a des logiciels qui nous permettent de mesurer les paramètres acoustiques, et en particulier si le cri d'un individu stressé est en général beaucoup plus aigu que le cri d'un individu qui n'est pas stressé, le même cri. Donc l'enveloppe du cri peut changer en fonction du contexte émotionnel. On peut aussi distinguer les individus, hein. Vous avez ici une dizaine de perruches, et si on les enregistre, si on enregistre leur cri de détresse, on sera capable de distinguer tous ces individus sur la base de paramètres acoustiques qui peuvent être la durée du cri ou la hauteur ou d'autres paramètres acoustiques. Donc il y a comme ça, dans les vocalisations, un tas d'informations, à la fois sur l'espèce, sur l'individu, sur l'état physiologique, voire sur le statut social. L'empathie, on peut la mesurer donc dans cette situation que je vous ai décrite, où on diffuse le cri de détresse d'un animal qui peut être familier. Mais par exemple, on n'a pas encore d'enregistrement audio d'individus en présence d'un congénère mort. Est-ce qu'ils vont produire des cris de douleur, de certaines vocalisations qui pourraient nous renseigner aussi sur leur état de détresse et de tristesse, d'une certaine manière. Voilà, ces travaux autour de la communication émotionnelle. Est-ce qu'on peut parler d'empathie, d'ailleurs, Catherine Belzboum, dans ce reportage que vous venez d'entendre à propos de ces oiseaux ? Oui, je pense que ça, il s'agit plutôt vraiment de, comment dirais-je, de contagion émotionnelle plutôt que d'empathie à proprement parler. Après, c'est difficile évidemment d'apprécier en n'ayant que ces indications de comportementales. Mmh. Votre sentiment, Aurélie Mirallès, sur ce reportage ? Non, moi je pense aussi que c'est difficile de se prononcer, d'une part parce que déjà c'est un extrait qui est relativement court, et puis d'autre part il y a cette gradation entre ces différents concepts, ces différentes notions qu'on a classées, il y a sans doute toute une gradation d'intermédiaires, et puis il y a aussi la question qui se pose, c'est en termes de vécu, de vie psychique interne, on n'a pas accès à cette vie psychique interne dans le cas d'un oiseau, il est très différent de nous, c'est très difficile par exemple de savoir si par exemple les inséparables, quand il y en a un des deux qui meurt, est-ce que l'autre dépérit parce qu'il est vraiment malheureux ou pas, c'est très dur de se prononcer. Sans faire de l'anthropomorphisme. Néanmoins, on sait qu'il y a des espèces d'oiseaux qui présentent des comportements qui ressemblent à des comportements à leur type, même si ça n'a pas été prouvé encore, je crois, à théorie de l'esprit, ou en tout cas avec des vrais comportements prosociaux comme les corvidés, dont on sait qu'ils sont a priori, qu'ils ont en tout cas des pensées vraisemblablement un peu plus complexes que les autres genres d'oiseaux. Vous avez un mot peut-être à dire là-dessus, Aurélien Mirallès ? Bah, très brièvement, parce que je ne suis pas spécialiste des oiseaux, mais chez les corvidés, peut-être aussi chez les psittacidés, c'est-à-dire les perruches. Les perruches, les perroquets, les cacatoès, ces oiseaux-là ont déjà la particularité d'avoir un cerveau très développé, avec des capacités cognitives à haut niveau. Donc, on voit que les capacités empathiques d'une espèce sont sans doute étroitement liées à ses capacités cognitives. Et donc, elles vont prendre une ampleur qui va pas être la... Enfin, qui va... ça, en gros, ça va se complexifier. C'est les briques élémentaires dont Madame Belzoum parlait tout à l'heure. Si on est dans un contexte d'un cerveau avec des compétences cognitives très développées, ben, on va avoir une empathie qui change de nature, qui devient beaucoup plus complexe et subtile et qui s'entremêle avec le raisonnement. Et chez les corbeaux, par exemple les corbeaux, il me semble qu'il y a des études qui ont montré qu'ils sont capables plus ou moins de, on va dire, de mentir, de cacher des choses à d'autres, ou c'est assez sophistiqué. Ouais. Catherine Belzoum, à ce propos ? Oui, en tout cas ce que je sais, c'est que chez les corvidés ont été observés des comportements aussi de consolation. Ce qui évidemment suppose quand même une certaine compréhension de l'état mental de l'autre. Après, il est difficile évidemment de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent réellement. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aurélien, parce qu'on ne peut pas y accéder autrement que par des indices comportementaux. On a des informations, Catherine Belzoum, sur l'apparition de l'empathie en termes, si on réfléchit en termes d'évolution, c'est-à-dire quelles sont les premières briques de l'empathie, pourquoi est-ce que l'empathie a été sélectionnée, quel que soit le niveau, en tout cas qu'on parle de contagion émotionnelle ou d'empathie plus complexe et comportementale, pourquoi est-ce qu'elle a été sélectionnée manifestement si fréquemment dans le règne animal? Oui, effectivement, la réponse probablement que parce que c'est avantageux, non pas pour l'individu, puisque on a vu tout à l'heure des exemples, effectivement, qui allaient jusqu'au sacrifice de soi. Donc, c'est évident que l'individu lui-même peut dire quelque part n'y trouve pas son compte, mais ils sont intéressants pour l'espèce, pour le groupe. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle on trouve des comportements, alors en tout cas, peut-être pas d'empathie, mais d'entraide chez des espèces, chez des invertébrés. Enfin, comme ça a été mentionné tout à l'heure, par exemple, chez la fourmi, il a été observé que des fourmis qui étaient qui ressortaient d'une quête alimentaire, qui rentraient au nid après en ayant le ventre plein après avoir été quêter de l'aliment à l'extérieur, vont nourrir en priorité les fourmis de la colonie qui sont les plus dénutries par exemple. Donc effectivement, on trouve ces comportements d'entraide chez d'autres espèces, mais comme on le disait tout à l'heure, entraide ne veut pas forcément dire empathie, ça veut pas forcément dire partage donc de l'état émotionnel d'autrui, ça veut pas dire non plus compréhension de l'état mental d'autrui, parce que en tout cas quand on regarde alors c'est évidemment des évidences un petit peu plus indirectes, mais quand on regarde tout le substrat cérébral qui est engagé dans l'espèce humaine par l'expérience à la fois de partage d'un contenu émotionnel de l'émotion de l'autre et par la compréhension cognitive de l'émotion de l'autre, ça engage en tout cas des aires cérébrales qui sont des aires d'apparition très tardives et qui sont très différentes des aires de la contagion émotionnelle qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc on peut indirectement en déduire que peut-être cette capacité à partager l'état émotionnel de l'autre et à comprendre réellement les intentions, les états mentaux de l'autre, elle est d'apparition plus récente et qu'on ne la trouve que chez des mammifères relativement supérieurs. Est-ce que, à votre avis, Aurélien Miralles, cette empathie chez les mammifères, en tout cas, elle est strictement et directement liée au sentiment parental, c'est-à-dire au besoin pour les parents de ressentir la détresse ou en tout cas l'émotion de leur progéniture pour pouvoir y réagir? Oui, ça semble très vraisemblablement lié à effectivement au comportement de soins parentaux, ce qui est une caractéristique des mammifères entre autres, des oiseaux aussi, mais par exemple dans les vertébrés, quand on va dans d'autres groupes comme les reptiles, les amphibiens, les poissons, il y a quelques espèces qui ont des soins parentaux, mais c'est minime. Que les soins parentaux chez les mammifères sont extrêmement sophistiqués, et à ces soins parentaux, il y a l'attachement qui est très fort. Donc il y a tout un ensemble d'émotions et de comportements, et notamment de caractéristiques empathiques qui sont nécessaires. L'empathie, en fait, c'est un système de communication. C'est un système de communication des émotions, donc il faut un émetteur, quelqu'un qui va émettre des signaux d'une émotion, puis l'autre personne qui est le récepteur et qui va les capter. Et ça permet aux parents de tout de suite voir s'il y a un problème avec un petit, sans avoir à faire appel à des signaux complexes ou même avoir à les interpréter. Quand un bébé pleure, tout de suite une mère sait qu'il y a un souci et elle va s'en occuper. Donc le petit a communiqué un signal émotionnel ou pas nécessairement émotionnel à la mère, qui elle en tout cas l'a ressenti comme telle. Et sans doute ce comportement empathique qui est caractéristique des animaux, enfin empathique assez développé qui est caractéristique des animaux qui ont des soins parentaux, ça s'est répandu à l'ensemble de la communauté, puisqu'en fait les espèces prosociales ont des comportements de soins vis-à-vis de tout le monde en réalité. Du coup, ça voudrait dire que l'empathie est avant tout, principalement, intra-espèce. Alors, c'est-à-dire que ce serait finalement ce soin parental qui serait développé, comme vous le dites, à l'ensemble de la population, par extension, puisque ça allume des zones cérébrales qui finalement peuvent se reproduire. On a les mêmes codes, voilà, la même espèce, et donc ça fonctionne au sein d'une espèce, une espèce qui a intérêt qui fonctionne un peu comme d'une certaine façon, les humains fonctionnent un peu comme une colonie. Très simplement, c'est pas du tout, on n'est pas comme les fourmis, mais l'idée c'est qu'on collabore tous plus ou moins. Mais quand on voit, par exemple, ces vidéos virales de soins d'un adulte envers un enfant d'une autre espèce, est-ce que on peut considérer que ça relève de l'empathie ou est-ce que c'est un autre mécanisme? Quand on voit, je sais pas, par exemple une maman chien s'occuper d'un bébé chat ou inversement. Bah souvent c'est une déviation des comportements parentaux d'une espèce qui est, on va dire, accidentelle. Par exemple, si vous prenez une maman chat qui est en train d'allaiter, vous lui mettez un petit, avec plein de petits chatons, vous lui mettez un petit lapin, un bébé lapin, un lapro qui est lui-même en train d'allaiter, elle va l'adopter, elle va s'en occuper. si vous refaites l'expérience 6 mois après, quand on n'a plus de petits, elle va le bouffer, c'est tout. Le bouffer, on va peut-être pas manger le bébé lapin tout de même, on sait jamais. Peut-être un mot, parce que finalement, quand on regarde ça, Catherine Belzoung, on voit que ces comportements empathiques ou prosociaux peuvent aller très loin. Je pense, par exemple, aux rats, dont plein d'expériences montrent que bien quand on propose une récompense sucrée dans un coin et dans un autre coin, un congénère rat, même s'il est inconnu, qui est dans un volume d'eau et qui est en détresse, eh bien les rats vont plus volontiers aller, enfin plus volontiers, pas à 100%, mais en tout cas majoritairement aller d'abord aider le compagnon rat plutôt que d'aller vers la récompense sucrée. Ou je pense aussi alors sur des primates, les macaques rhésus, qui quand il s'agit de tirer une ficelle pour obtenir à manger, quand d'un seul coup cette ficelle est aussi reliée à un petit piège électrique qui blesse un autre macaque, les macaques cessent de s'alimenter. Donc ça va tout de même très loin, jusqu'à la mise en danger de l'individu lui-même qui éprouve cette empathie et qui a ce type de comportement. Oui, effectivement, ce genre d'observations ont été réalisées et elles sont très intéressantes parce qu'elles sont faites dans des situations de choix. C'est-à-dire l'animal a le choix entre avoir un comportement prosocial et avoir un comportement égocentrique, si je puis dire. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Effectivement, toutes sortes d'observations ont été faites, alors y compris pas seulement de manière anecdotique, mais en laboratoire, ou quand on enferme un rat dans un tube, dans un tuyau, on va observer immédiatement que des congénères vont essayer de le libérer. Donc effectivement, et ceci alors même qu'ils ont tout à fait le choix de faire autre chose. Donc effectivement, ça semble aller dans la direction quand même que ces comportements empathiques que nous avons, nous, notre espèce humaine, s'ancrent tout à fait dans une continuité biologique. Pour conclure peut-être assez rapidement, parce qu'il nous reste malheureusement assez peu de temps, Catherine Belzoung, sur les troubles de l'empathie, on dit souvent que l'inverse, l'opposé de l'empathie, c'est la psychopathie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens qui souffrent de psychopathie, je rappelle que ça peut monter jusqu'à 1% de la population et que psychopathie n'est pas évidemment synonyme de tueur en série comme on voudrait nous le faire croire dans un certain nombre de productions hollywoodiennes, mais que est-ce que c'est vrai que la psychopathie c'est l'inverse de l'empathie? Qu'est-ce qui se passe quand on a un déficit d'empathie? De quel type de troubles souffre-t-on? Alors, il y a différents types de troubles de l'empathie qui ont été décrits dans la littérature. Il y a effectivement l'exemple que vous mentionnez des comportements psychopathes, qui sont en fait des comportements qui associent en fait des conduites, on va dire, antisociales, qui se caractérisent aussi par une absence de traits émotionnels et une inflexibilité. Donc effectivement, ces comportements ont été décrits et ils sont associés à, comment dirais-je, un déficit sur le plan neurobiologique, c'est-à-dire les personnes qui souffrent de traits, comment dirais-je, psychopathes, ont une diminution dans les zones, disons, de la matière grise, dans le cortex préfrontal, dans les structures limbiques. Mais en même temps, il faut être très vigilant avec ce genre d'études parce que il faut aussi éviter d'en avoir des conclusions un petit peu réductionnistes. Parce qu'il y a l'histoire là très fameuse qui a été aussi pas mal popularisée de ce chercheur qui s'appelle Jim Fallon, qui faisait de la recherche sur la psychopathie, qui avait tout à fait identifié que chez les personnes psychopathes, il y avait un déficit d'activation des zones préfrontales. Et un jour, alors même qu'il voulait, qu'il était en train de refaire la énième expérience sur le sujet, un sujet témoin a oublié de se présenter, alors même que l'IRM pour faire l'expérience avait été réservé. Du coup, le chercheur a dit, je vais faire moi-même une image de mon cerveau. Et c'est là qu'il a découvert que lui, qui était parfaitement normal, avait en fait un cerveau de psychopathe. Alors qu'il n'avait évidemment aucun comportement de psychopathe. Donc, ça veut dire qu'il faut être très vigilant et ne pas réduire et de pas être essentialiste sur les lectures de ces examens cérébraux. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On pourra en reparler. Je pense que parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer les troubles du spectre autistique qui sont en général liés effectivement aussi à une forme de déficit d'une partie de l'empathie. Mais on y reviendra dans une émission qu'on va consacrer très bientôt à cette question des troubles du spectre autistique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Aurélien Mireles. Merci Catherine Merci. Belzoum. Je rappelle qu'on peut vous lire dans Neurobiologie des émotions, cette édition UPPR. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Trioux, François Malordi, Antoine Beauchamp, Noémie Agathe Saint-Vulfranc, Céline Lozenne, Étienne Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, nous essaierons de percer l'un des grands mystères de la physique. Comment se fait le changement d'échelle? Comment passe-t-on du microscopique au macroscopique, de l'atome à la molécule, de la physique quantique à la relativité générale? Il sera question de l'effondrement du paquet d'ondes demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.